Analyse du 9 octobre 2022, Thierry Pirlot, Sherpa One. Octobre rouge, l'époque des doutes en cascade. J'attire votre attention sur le fait que les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés en descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. Quel genre de complologue êtes-vous ? Le complologue rageux qui doute en permanence et qui est à deux doigts de la désertion? Ou le complologue vertueux qui a une confiance inébranlable dans le plan? Souvenez-vous que Q a dit plusieurs fois dans ses drops que nous allions douter de tout et de plus en plus, qu'il ne faudrait pas nous éloigner de notre mission. Stay in the line, soldiers. Ni écouter les faux prophètes, entendez? L'opposition contrôlée qui fait rage en France. Jusqu'à quel point le plan nous fera-t-il douter? Jusqu'au grand réveil, The Great Awakening. Les vrais anones auront la foi jusqu'au bout et les amateurs s'en iront en cours de route pour rejoindre le troupeau. En ce qui me concerne, mon niveau de foi et de croyance est tel que nous pourrions vivre un an en dictature complète, dans les larmes et dans le sang, dans un climat où tout serait complètement fake, avec le nom qui s'installerait pour de bon, que je ne dévierais pas d'un centimètre par rapport à tout ce que j'ai compris, vu et lu au fil de toutes ces années et depuis l'arrivée de Trump il y a déjà 6 ans. C'est probablement ce qui me distingue de par ma formation militaire, de tous ces esprits tièdes qui ont tendance à douter et à changer de discours sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un bon exemple de ce que nous vivons, nous, les lanceurs d'alerte et éveilleurs QAnon. Prenons l'équipage d'un sous-marin nucléaire qui se retrouve en alerte DEFCON 1, complètement isolé du monde et qui n'écoute plus aucun message, ami comme ennemi, car seule sa mission importe et absolument rien ne doit interférer. Le commandant n'y voit ni bien ni mal, ni possibilité de retourner en arrière, ni de comprendre ce qu'il se passe réellement en surface. Il est complètement isolé et la civilisation sur Terre est déjà possiblement à moitié détruite. C'est le narratif du film « À la poursuite d'Octobre Rouge » où Sean Connery ne suit que son intellect et son bon sens pour mener sa mission à bien, tiraillé par le doute qui l'assaille en permanence sur le fait de faire ou non le bon choix. Cette analogie faite par Q avec Octobre Rouge n'est pas un hasard ou du show, mais bien une opération psychologique à l'attention des anones. Ils se reconnaissent à cette heure dans cette période où l'avalanche de doutes et les crises de foi inhérentes à cette lutte font rage sur les réseaux sociaux. On retrouve également cette analogie à travers le film White Squall de 1996 avec Jeff Bridges, dont Q fait mention plusieurs fois dans ses drops. En effet, c'est un film qui exprime le courage d'un équipage face à l'adversité, l'éducation permanente des matelots sur un bateau, l'importance du travail en équipe, l'obligation de compter les uns sur les autres, where we go one, we go all, et qui met également en exergue des phrases clés qui reviennent souvent chez les anones. Q savait que le temps serait long, que nous allions, entre résistants, nous déchirer et nous diviser, à l'instar des poilus coincés dans leurs tranchées depuis 2 ans, notamment entre anti-Q et pro-Q, dark to light. Nous sommes un peu dans la même situation que cet équipage de sous-marins, séparés de nos familles et de notre patrie, en immersion sur les réseaux pour nos missions d'éveil. Nous avons appris, avec le temps, à avoir confiance dans cette histoire et dans les chefs qui la dirigent, et pas un jour l'information reçue ne nous laisse croire le contraire. mais nous sommes en mer depuis longtemps. Il faut donc nous remotiver régulièrement, et j'aime à croire que mes analyses concourent à ce travail de l'ombre. Il est mathématiquement impossible que tout ce que nous vivons et voyons soit dû au hasard. Comme déjà dit, le hasard et les coïncidences sont des inventions de la CIA. Nous ne sommes plus influencés depuis longtemps par les mainstream, ni maintenant par quelques youtubeurs, et encore moins par des retourneurs de Kazakh qui ne croient plus en rien. Ceux qui lâchent l'affaire aujourd'hui sont tout simplement en lutte contre leur propre peur. Ils n'ont ni le bon niveau informationnel, ni la capacité depuis toutes ces années à faire le tri entre infos de mainstream et de médias alternatifs. Donc, ils perdent patience et désertent le théâtre des opérations. Sauf que d'un sous-marin, il est impossible de s'échapper autrement que par le tube à torpilles. Nous sommes également prisonniers de notre mission car même si nous retournons notre veste précisément maintenant, nous sommes perdus en mer pour nos amis et nos familles, sauf évidemment si nous faisons amende honorable en leur demandant de pardonner nos égarements. Dans mon cas, il n'en est pas question une seconde. D'une part, parce que j'ai une totale confiance dans ma conception de cette alliance et d'autre part, parce que tout me donne raison depuis le début, que ce soit d'un point de vue sanitaire ou géopolitique. J'ai donc confiance en moi et c'est cela qui manque à de nombreux anones qui ont tout simplement peur de passer pour des cons face à leur entourage. Désolé. Mais ce n'est malheureusement pas donné à tout le monde de comprendre toute cette histoire et de lui donner crédit à 100%. Mais soyez sûr d'une chose. Si le nouvel ordre mondial est réellement aux commandes, sans aucun pare-feu ni alliance devant lui, le fait ou pas d'avoir eu tort de croire à cette incroyable histoire n'aura bientôt plus aucune importance comparé à la violence de ce qui nous attend dans ce cas. Tout ce qui peut arriver de bien ou de mal actuellement dans la société a un but, et il est sous contrôle. C'est seulement à la fin que nous comprendrons tous les tenants et les aboutissants qui nous échappent encore et qui nous font douter de l'ensemble de cette opération militaire. Tous ces gens qui croyaient avoir tout compris et qui suivaient cette histoire de loin, comme une série Netflix, n'ont plus la foi, car ils n'ont rien cherché par eux-mêmes, et du coup n'ont rien découvert ni compris par eux-mêmes, et c'est pourquoi à ce stade, ils ne peuvent plus rien croire. Ils pêchent par orgueil et par fainéantise et ne font que geindre. Ils ne pigent pas la complexité du plan et son objectif final, et encore moins les techniques mises en œuvre par l'Alliance. Nous sommes probablement quelques millions d'anones de par le monde à avoir dépassé le stade du jugement, du mépris, du ridicule et des moqueries. Nous avons atteint ce niveau de compréhension qui nous permet d'expliquer tout ce que l'on veut sans aucune limite ni complexe, tant sur l'Alliance que sur l'existence de forces supérieures. A contrario de certains pseudo-éveillés, toujours bloqués dans leur zone grise et encore inconscients actuellement du travail de Minotaure de quelques dizaines de vrais lanceurs d'alerte, tels que Alexis Cossette de Radio-Québec ou Julian Assange avant qu'il n'ait été mis en sécurité par le MI5. Désormais, ignorer le travail de ces personnes devient difficilement compréhensible et acceptable. Cossette a même été capable d'expliquer pourquoi Trump a poussé les vaccins avec sa vidéo « Opération Warp Speed » ou encore le pourquoi du comment de sa perquisition à Mar-a-Lago. Il faudra aussi se rappeler que c'est le seul lanceur d'alerte francophone au monde qui aura pu interviewer le général Flynn et Sidney Powell. Si je me laissais gagner par mes émotions, je dirais même que Cossette est, par la force des choses, un vrai white strates. Pour résumer, j'estime qu'il y a maintenant trois niveaux informationnels, hormis le niveau zéro des moutons. Le niveau rookie des nouveaux éveillés qui veulent tout savoir et tout comprendre en 5 minutes. Ce sont les plus fatigants. Le niveau de la Grey Zone, où nous retrouvons toutes les deuxièmes et troisièmes audiences, comme le dit Mohamed Diallo, et qui tourne en rond, frustré de n'avoir jamais réellement pris le temps de chercher à comprendre les choses, et qui deviennent de vrais rageux, complexés par leur ignorance. Ce sont les plus dangereux, car potentiellement déserteurs. Le niveau pro et opérationnel de Q, avec de vrais anons ayant reçu leur feuille de route du général Flynn. Ils exécutent leur mission de soldat numérique sans se poser mille et une questions, ni remettre en cause chaque étape du narratif de l'Alliance, en venant pleurer au PC tactique pour dire que c'est trop long et trop injuste. Cette troisième catégorie a visionné des centaines de vidéos, lu des milliers d'articles et des dizaines de livres. Ce travail ne peut être récupéré que par de nouveaux anons extrêmement motivés. Autour de moi et parmi plus de 700 éveillés d'un groupe local de citoyens résistants du sud de la Belgique, je n'en compte qu'une dizaine ayant fait ces démarches sur le tard et depuis le tout début, afin de tout recontrôler par eux-mêmes. Nous sommes dans une guerre mondiale asymétrique de l'information, dans laquelle notre clavier, notre intellect et notre motivation à partager de façon compulsive ont remplacé le bon vieux fusil automatique. Dans cette guerre en cours, les niveaux d'information, d'opérations militaires, de contre-mesures et de désorientation sont tels que nous ne pouvons en comprendre qu'une petite partie à notre humble niveau. Mais nous devons tenir bon dans notre mission, car aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, c'est la somme de toutes nos actions qui contribue à la réussite de ce plan magistral de sauvetage de l'humanité. Et quel meilleur indicateur que la chute d'audience phénoménale et irréversible des médias mainstream. La foi des vrais anons soulève des montagnes. Mais le doute permanent de ces nouveaux déserteurs et retourneurs de veste ne sert aucunement le plan. Alors, quel genre de complologue êtes-vous ? Notre chance est que ce plan est divin et quantique et voire peut-être non humain. Nous avions déjà une vision de la société entre vax et non-vax et nous nous retrouvons à présent avec une nouvelle séparation entre résistants mais qui n'est d'autre in fine qu'un écrémage en règle. Dieu reconnaîtra les siens et la conscience quantique Palantis, si elle existe, fera le reste. Prenez soin de vous. The best is yet to come. Sherpa One.